Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on vous emmène sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Comment ça va Sophie? Eh ben, c'est en chanson aujourd'hui, c'est bien, ça donne envie. C'est en chanson, on va découvrir un métier incroyable dans la ville de Memphis, Tennessee. Et toi, tu nous emmènes en forêt. Ouais, bah oui, parce que la forêt c'est chouette, et puis on fait des balades, et puis voilà. Ce sera dans la première partie, et moi je vous parlerai du destin de Kenon Walker, voilà, qui est Duck Master. On va revenir sur ce rôle un petit peu particulier. Duckmaster. Il y a Taskmaster, qui est une émission de télé. On a Duckmaster désormais. Ouais. Bon, ça donne envie, ça donne envie. Sophie, on va démarrer directement cette émission par nos petites découvertes ornithologiques. Alors, je vais commencer de mon côté par parler d'une étude qui vient de sortir il y a... 2 heures pour moi, 2 jours pour la sortie officielle de l'étude. D'accord. Qui parle de l'hibou moyen-duc. Et on avait parlé de paradisier il y a pas longtemps, qui avait un plumage fluorescent. Oui. Eh bien, Sophie, le hibou moyen-duc a aussi un plumage fluorescent. Ce serait pas au niveau de sa gorge, par hasard ? Et apparemment, ce serait au niveau de ses ailes, une coloration fluorescente qui tirerait dans le rose. Dans le rose ? Bah, on sait déjà que les hiboux ont pas mal de colorations comme ça. Quand tu les passes à la lumière noire, en fait, tu peux le voir. C'est marrant. Il y a beaucoup de patchs de couleurs. Et notamment, c'est pour ça que je te demandais, c'est au niveau de la gorge. Tu sais qu'ils ont ce patch blanc, généralement. Donc, pour nous, c'est blanc. Pour eux, ça doit être une autre couleur, j'imagine. Mais c'est intéressant, du coup. Donc le moyen duc, voilà, aussi. Top. Aussi, et ce serait corrélé avec l'âge et le sexe des individus. Ah, logique, des signaux. Logique. La communication, voilà. Tout mais ça. Bon. Ah oui. Eh ben moi j'aimerais embrayer, je sais pas si tu te souviens de l'article que j'avais commenté la dernière fois pour mon sujet, on parlait du chant chez les oiseaux. Mm-hmm. Et justement, j'ai découvert cet autre article aujourd'hui, qui nous parle aussi du chant chez les oiseaux. Et cette fois-ci, c'est l'Université de l'Arizona qui a étudié les cerveaux d'oiseaux chanteurs, hein, en l'occurrence des passereaux, et notamment qui a étudié le cerveau, mais au cours de la vie de l'oiseau, jusqu'au moment où il devient plus âgé, et donc il commence à avoir quelques petits soucis, petits troubles mentaux notamment. Et en fait, il semblerait qu'au fur et à mesure de sa vie, il perde petit à petit certaines de ses capacités de chant, parce qu'il vieillit, hein, tout simplement, et le cerveau ne fonctionne plus aussi bien qu'il le devrait. Et ça ressemble un petit peu à ce qui se passe quand on est atteint, nous, en tant qu'humains, par des maladies dégénérescentes, notamment la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, qui sont connues pour justement avoir donné aux malades des problèmes de diction. Parce que tout ça, c'est lié. Et on est en train de se demander si, justement, grâce à ces études qu'on fait sur les oiseaux, est-ce qu'on pourrait pas trouver des moyens de soigner ces maladies-là, ou du moins de mitiger un petit peu les effets de ce genre de trucs. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont trouvé des moyens, justement, d'encourager le cerveau à produire certaines molécules qui, justement, évitent à ces parties du cerveau qui sont touchées par la maladie et qui notamment concernent la parole, les empêchent de dégénérer plus avant. Donc c'est quand même quelque chose de très incroyable. Très très bien. Voilà. Incroyable. Waouh. Moi je vais parler du tout ça comme toujours évidemment. Moi je vais parler d'un martinet qui s'appelle Black Swift en anglais. Mm-hmm. Alors non, c'est pas martinet noir, nous c'est Common Swift. Mais bon, voilà. Comment on fait pour, donner un nom français à un oiseau qu'on a déjà nommé martinet noir? Eh bien, on le nomme martinet sombre. Voilà. On aurait pu l'appeler martinet des ténèbres, mais bon. C'était un petit peu trop exagéré. Ça fait un peu site, là, du coup, non? Donc c'est un oiseau qui est présent en Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord. C'est un oiseau migrateur, bien sûr. Et on a eu la chance, peut-être que toi, Sophie, tu l'as eu aussi, d'assister à une éclipse partielle de soleil le 31 mars 2025. Non, on l'a pas vu de notre côté. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir. Ah. Et eh bien, on a eu une étude qui date de 2022, donc c'est une étude qui est assez ancienne, qui montrait que durant les éclipses lunaires, cette fois-ci, on n'est pas sur des éclipses de soleil, mais de lune, eh bien, que les oiseaux perdaient de l'altitude. Ah, ce qui est assez intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les oiseaux, lorsqu'ils étaient en pleine lune, ou plutôt lorsque la pleine lune était présente, eh bien, les oiseaux atteignaient leur altitude la plus élevée. D'accord. Et cela correspondait à la recherche d'insectes. Ah, incroyable, bah c'est lié à la lumière tout ça, non, j'imagine. C'est possiblement lié effectivement à la lumière. Donc voilà, une petite étude qui mêle à la fois, on va dire, observation simple, puisque la pleine lune est un phénomène qui se répète assez régulièrement, et observation plus compliquée, puisque bah, les périodes d'éclipse sont généralement... très peu présente et souvent très courte, donc on n'a pas toujours la possibilité de comment dire, de voir les différents effets qu'elles peuvent avoir. Eh oui, super intéressant. Toi, je savais pas que l'éclipse avait une influence sur le vol des oiseaux. C'est top. Ah, on a beaucoup de choses autour des éclipses. On a des oiseaux qui chantent moins. On a des oiseaux qui chantent différemment. D'accord. Voilà, c'est... pourquoi pas. Pourquoi pas. On a des oiseaux. Pourquoi pas. On a des oiseaux qui cessent de pêcher pour retourner à leur dortoir. Mais en réalité, ces témoignages chaotiques sont. On pense qu'en réalité, il y en a beaucoup plus à trouver, mais on n'a tout simplement pas eu la possibilité de les étudier sur le terrain ou de les trouver sur le terrain. Mais on a déjà observé, par exemple, que les tortues se reproduisaient plus facilement lorsqu'on était en éclipse totale. Et on ne sait pas pourquoi. D'accord, mais se reproduisaient, c'est-à-dire qu'elles allaient sur les plages pour pondre, ou c'est-à-dire que les petits sortaient de l'œuf, Non, c'est dans les eaux, ils ont observé que les tortues se reproduisaient toutes en période d'éclipse. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène, c'est-à-dire que c'est uniquement dans un zoo qu'on observait ça, ou est-ce que c'est un phénomène qu'on observe à plus grande échelle? Là, pour le coup, c'est très, très, très difficile à évaluer. D'accord. Puisque, comme je l'ai dit, les éclipses sont des phénomènes qui sont particulièrement disparates. Et puis, bah, il faudrait que tous les observateurs, tous les naturalistes se mettent à observer la nature au même moment, à différents coins de la planète, pour observer le même phénomène, ce qui serait très, très compliqué. Donc, Certes. Donc, voilà. Oh, mais c'est top. Ok, très bien. Bah moi, de mon côté, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais traité d'un article sur un calao, on avait parlé d'un petit truc assez marrant qui lui permettait de bouger notamment la partie supérieure de son bec, sans que pour autant il y ait exactement une véritable charnière entre le crâne et le bec. Oui, de petites charnières, c'est pas exactement une charnière, mais cette espèce de mobilité entre les deux qui avait été intéressante dans ce cas-là pour que l'oiseau puisse manger. Des gros fruits en l'occurrence, et il y a une étude qui est sortie en mars qui explique justement qu'en fait ce truc-là c'est présent chez la plupart des familles d'oiseaux, et plus que ça, c'est que c'est quelque chose qui a évolué déjà il y a un sacré paquet de temps, parce que ça a commencé à se voir chez leurs ancêtres, chez certains dinosaures qui donc font partie de la lignée des oiseaux, et a petit à petit évolué jusqu'à arriver jusqu'aux oiseaux actuels qui eux ont quasiment tous cette possibilité. Et donc c'est un caractère de plus pour lier donc les dinosaures non aviens, donc leurs ancêtres, aux oiseaux actuels qui sont donc des dinosaures aviens. Donc on découvre encore aujourd'hui des caractères qui lient les deux, et oh, c'est toujours intéressant, c'est fou, de connaître l'histoire des deux. C'est fou ça, incroyable. Moi j'aurais une dernière petite note, c'est un anniversaire. On fêtera nous à la fin de l'année nos 3 ans, puisque en réalité le podcast a commencé en avril 2022, donc normalement on aurait fêté nos 3 ans, mais il y a eu une pause de 6 mois, donc le courrier de la Sterne, on peut pas vraiment dire qu'il a 3 ans, mais on a une émission outre-Atlantique qui elle a fêté fin février dernier ses 20 ans d'existence, et elle parle d'oiseaux. Elle s'appelle Burnout, que tu connais peut-être. Oui, c'est des petites pastilles, là, c'est tout petit, c'est sympa. Exactement, ce sont des toutes petites pastilles qui sont diffusées dans plus de 300 stations de radio, 49 États des États-Unis, 4 pays. Ce sont les, on va dire, notes que nous donne le site. Et c'est quelque chose, voilà, qui est né quelque part dans la banlieue de Seattle il y a 20 ans, donc en 2005 déjà. Donc le courrier de la Sterne a encore du chemin à faire avant d'atteindre cette longévité-là. Mais voilà, ce sont... on va dire des précurseurs dans le domaine de l'ornithologie et dans le domaine de la pastille, parce que le courrier de la Sterne est une émission qui est beaucoup plus longue, hein, qui dure environ entre 35 et 45 minutes désormais. Les pastilles de Burnout durent entre, allez, 1 minute, 1 minute 30. C'est presque du post TikTok avant l'heure, hein, finalement. Exactement. À la radio. Parce qu'évidemment, c'est pas en vidéo. Évidemment. Sophie, dernière info ou pas? Juste un petit rappel, on arrive donc en Europe en tous les cas au printemps en ce moment, hein, fin mars, début avril, on rentre dans le printemps. Juste un petit truc pour vous rappeler de préférer tailler vos haies et vos arbres et tout ça peut-être un petit peu plus tard, laisser aux oiseaux le temps de nicher, de faire leur petite réserve de provisions pour la nidification aussi, hein, parce que les arbustes qui produisent des baies, qui produisent des fleurs, des fruits, en règle générale, c'est quand même bien pour la nourriture pendant ces périodes-là. Et pour aussi les préserver des prédateurs, notamment chats et autres trucs. Donc voilà, si vous pouviez penser un petit peu aux oiseaux, évitez d'élaguer vos arbres ou vos arbustes tout de suite, laissez-les pousser un petit peu, c'est pas bien grave, après tout, un petit peu de folie dans le jardin, c'est pas plus mal. Et puis, encouragez comme ça la diversité des oiseaux chez vous, et vous verrez, c'est toujours très agréable à observer le balai de ces petites créatures ailées, on les aime bien, on aime beaucoup les regarder, c'est toujours très distrayant. Voilà. Eh ben, du jardin à la forêt, il n'y a qu'un pas, Sophie. Exactement. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, du coup, lorsque tu évoquais la forêt? Alors, on a déjà pas mal parlé des forêts dans ce podcast, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. Les oiseaux y vivent, hein, évidemment. Et surtout, avec toutes les problèmes de changement climatique, on en parle de plus en plus, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les forêts, on les considère comme le poumon vert de la planète. Et évidemment, ce sont des sources de captation de carbone. Enfin bref, c'est tout ce qu'il nous faudrait pour combattre, en quelque sorte, le changement climatique. Le problème, c'est que ces forêts, elles ne vont pas forcément très bien en ce moment. On en a beaucoup qui commencent à dépérir pour différentes raisons. Le changement climatique étant évidemment l'une des plus proéminentes, mais ça engendre après d'autres problèmes, que ce soit des feux de forêt ou ce genre de choses, ou la déforestation, ou même tout simplement due à l'homme. Mais en tous les cas, elles ont des tas de soucis en ce moment, et donc les scientifiques sont à la recherche de moyens de gérer ces forêts un petit peu mieux, et surtout de savoir ce qui s'y passe un peu plus facilement. Parce que le problème des forêts, c'est que ce sont des lieux immenses, y en a beaucoup qui s'étendent sur des milliers et des milliers de kilomètres, hein. Pour beaucoup, on est quand même sur des zones très grandes. Alors, arriver à gérer tout ça, ça demande déjà du monde, parce qu'il faut pouvoir aller s'y balader régulièrement et arriver à parcourir la forêt pour arriver à trouver les différences. Et puis, il faut y être tout le temps, parce que si vous n'y êtes pas régulièrement, vous verrez pas les changements qui s'y passent. Et donc ça, c'est un problème, parce que malheureusement, il n'y a pas tant de monde que ça pour gérer toutes ces forêts. Et on manque un petit peu de personnel. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Vous pouvez soit y aller une fois de temps en temps et vous dire « j'ai fait mon boulot », ça ne va pas forcément aider beaucoup. Soit vous pouvez installer des petits systèmes, et grâce à la miniaturisation aujourd'hui de pas mal de systèmes électroniques, et grâce à ce qu'on peut mettre en forêt aujourd'hui, et qui peut être lié par internet, par GPS ou par ce que vous voulez, on peut avoir des choses qui nous permettent en fait de faire ça à distance. Et donc c'est ce que les chercheurs ont testé. Alors on connaît évidemment, pour les animaux, on a pas mal de choses comme des caméras qu'on peut installer en forêt, qui sont des pièges, en quelque sorte, des pièges vidéo, des pièges photos qu'on peut mettre en forêt pour voir quels animaux sont en train de passer. On peut gérer un petit peu comme ça la faune sur place. Mais des caméras ce qu'on connaît pièges, moins, tout simplement, si vous cherchez... Exactement. Il y en a disponible d'ailleurs pour le grand public si vous voulez. Oui, totalement. Des modèles totalement très très simples, hein, que vous pouvez installer chez vous d'ailleurs. Vous pourrez voir des trucs intéressants des fois. Et sauf que ce genre de choses, bah, ça coûte cher souvent quand vous mettez une vidéo, et surtout, ça peut être endommagé très très facilement. J'avais fait une vidéo une fois, envoyé justement un Calao, alors c'était un Calao terrestre pour cette fois, qui ont des becs extrêmement longs, très très durs, et qui étaient très très occupés à taper sur la caméra qui avait été installée juste devant son nid, et à détruire la dite caméra, parce qu'en quelques coups de bec, c'était fini. Que les derniers instants de la caméra voient cet oiseau en gros plan avec le gros bec qui s'approche un peu trop près. Hélas. Aïe, aïe, aïe. Donc on sait à quel point ce genre de matériel est coûteux. Quand on voit ce que les animaux peuvent en faire, des fois on se dit « aïe ». On n'a pas forcément ce genre de sous à mettre dans la recherche, et pour les remplacer, ça coûte cher. Donc les chercheurs essaient de trouver des moyens un peu moins coûteux, mais tout aussi efficaces, de gérer un peu ce qui se passe dans les forêts. Et ils ont trouvé, et c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Et finalement, c'est quelque chose auquel on aurait dû penser beaucoup plus tôt, mais qui n'a pas forcément intéressé beaucoup de monde, parce qu'on n'y pensait pas comme ça. C'est simplement l'audio. Alors comme nous on est sur ce podcast, on a un audio aujourd'hui, c'est pareil. Et ben imaginez, vous posez un micro au milieu de la forêt et vous enregistrez tout ce qui se passe au fur et à mesure de la journée, puis tous les jours, etc. Et plutôt que... Alors vous allez me dire, oui bah c'est sympa, mais enfin on va pas mettre quelqu'un qui est là en train d'écouter toute la journée, 24h sur 24, ce qui se passe le en forêt. Parce que... au-dessus du... le perchman au-dessus du nid Calao là. Exactement. Avec le Calao qui essaye d'attraper la perche là tout. Chope-le. Ouais, non, faites pas ça au-dessus d'un Calao, il soit poil agressif. Bon, en tout cas, on va pas mettre un opérateur derrière chaque micro pour essayer d'écouter tout ce qui se passe et enregistrer comme on le ferait quand on écoute sur un téléphone ce qui se passe chez quelqu'un d'autre. Non, non, non. On va pas mettre la nature sur écoute de cette manière-là. On va la mettre sur écoute, mais cette fois-ci, on va coupler ça à de l'intelligence artificielle. Alors, je m'explique. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, à force d'être nourri avec ce que vous voulez qu'elle apprenne, en fait, tout simplement, vous la nourrissiez comme ça avec, en l'occurrence, pour ça, ça va être des sons différents de forêts, d'oiseaux, de tout ce qui s'y balade, hein, tout simplement, et puis vous allez lui apprendre comme ça, petit à petit, ce qui est un son habituel pour cette forêt, et comme ça, elle pourra le comparer à ce qui ne l'est pas. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, vous mettez des micros dans la forêt en question, et puis vous la laissez faire son petit son petit calcul, en quelque sorte, pour arriver à trouver à quel moment est-ce que les sons de la forêt ont changé, est-ce qu'il y a eu un problème, est-ce que peut-être il y a un incendie qui s'est déclaré, le son va pas être le même, il va y avoir peut-être une alarme qui va se mettre en place. S'il y a des gens qui viennent déforester, tu vas peut-être entendre le bruit des tronçonneuses, et là l'intelligence artificielle va dire « Eh, il y a un souci, ça va pas du tout ». Ou bien tu vas entendre que c'est pas les mêmes animaux qui chantent, ou alors il y a beaucoup moins d'oiseaux qui chantent cette année comparé à l'année précédente. Ça, il y a peut-être un problème aussi, et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vois, et donc grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir, grâce à ces micros, prendre toute la mesure, en fait, de la bonne santé, ou au contraire de la mauvaise santé, de cette parcelle de forêt. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, les scientifiques ou les chercheurs qui sont derrière ces études-là n'ont pas besoin de rester H24 derrière leurs écouteurs, à savoir essayer de monitorer tout ce qui se passe dans leur forêt. Au contraire, ils ont simplement besoin de récupérer les conclusions de l'intelligence artificielle, ils regardent un petit peu ce qui se passe, ils peuvent se faire des graphiques en regardant, ok, on a l'incidence de telle espèce, par exemple, dans cette forêt, va tout d'un coup diminuer. On va peut-être se poser des questions dans ces cas-là, ou au contraire, telle espèce d'oiseau va apparaître beaucoup plus parce qu'on va entendre son chant beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement, et là on va se dire, il y a peut-être un changement aussi, ou bien on va entendre des bruits, que ce soit des bruits de vent violent par exemple, mettons qu'il y ait une tempête, on va se dire, ah oui, c'est parce que à tel endroit il y a eu telle tempête, et du coup derrière on a un changement dans la biodiversité, dans la faune qui est passée, on a les cerfs par exemple, c'était la période du brame du cerf, mettons, on les entendait peut-être beaucoup moins que d'habitude, au contraire on les entendait plus que d'habitude, tu vois, il y a plein de paramètres comme ça qu'on peut gérer, qu'on peut essayer de comprendre grâce à ça. Et ça, c'est très intéressant. Et grâce à ça, d'ailleurs, certains scientifiques ont réussi à comprendre que certaines espèces, ils avaient un petit peu changé, tout d'un coup, de lieu de vie. Donc okay, ça, il y, Il y a plusieurs études comme ça qui sont sorties, et notamment ce mois-ci, il y en a deux. Donc une première qui s'est passée notamment sur les forêts du côté de la Lituanie, ça va être en Europe donc, qui étudiait notamment l'impact du réchauffement climatique sur les espèces d'arbres et sur l'écosystème qui sont là-bas, parce qu'à cause du réchauffement, certains arbres ne supportent pas bien le réchauffement et finissent par mourir beaucoup plus rapidement que d'autres espèces. Et donc ça a évidemment une influence sur l'écosystème qu'ils supportent normalement, parce que les arbres dans une forêt, ça va quand même être la base de votre écosystème. Et donc si vous les avez plus, bah vous allez avoir des changements dans la vie animale tout autour, c'est normal. Et donc ils ont pu noter, grâce à ces enregistrements audio, des changements dans ce qui se passait autour de ces arbres lorsque ces arbres mouraient. Et donc ils ont pu réagir et se dire, bon, on va peut-être planter d'autres essences d'arbres pour pallier au manque, et ces essences d'arbres qui vont être peut-être plus adaptées à ce réchauffement climatique et vont quand même pouvoir garder cet écosystème en vie, malgré le fait que ce soit pas exactement les mêmes espèces qu'on ait sur place. Ok. À côté de ça, on a une autre étude qui a été publiée, c'était en mars aussi de cette année donc, qui cette fois-ci s'est passé en Californie, dans la Sierra Nevada, tu sais, ces montagnes qui sont assez connues d'ailleurs, hein, et qui cette fois-ci venait, c'est les chercheurs du Cornell Lab of Ornithology, qu'on connaît très bien, n'est-ce pas, qui ont analysé cette fois-ci 700 000 heures d'enregistrement de chants d'oiseaux dans la Sierra Nevada en Californie. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Avec des micros qui ont été déployés à 1600 sites différents pour notamment localiser 10 oiseaux assez importantes, notamment des chouettes et des pics qui pouvaient qui sont le pic avec ivoire, pas c'est celui-là, où ça non, pas celui-là, parce que si tu connais le son de celui-là, va falloir que tu me le donnes. Oh, tu sais, il serait capable de l'inventer. Hein, oui, c'est certainement. Mais en l'occurrence, ils ont choisi des espèces qui sont bio-indicatrices, c'est-à-dire ce sont des espèces qui vont pouvoir te dire si un écosystème est en bonne santé ou pas. Donc leur présence ou leur absence va te donner une idée de la bonne santé de l'écosystème. Enfin, c'est un peu comme les amphibiens, en fait. Tu sais que s'il y a des amphibiens dans une rivière, généralement, c'est que ta rivière, la qualité de l'eau est plutôt pas mal. Là, les chouettes et les hiboux et du coup les pics, ce sont des espèces qui sont assez sensibles aux conditions de leur environnement et qui requièrent certaines conditions bien spécifiques. Ce qui fait que si elles ne sont pas là, de toute façon, tu ne les trouveras pas. Donc ça permet vraiment de savoir si ton écosystème est en bonne santé ou pas. Et ça, ils l'ont fait uniquement grâce donc à des micros qu'ils ont placés dans ces forêts-là. Et ça leur a donné finalement un sacré bon point de vue sur ce qui se passait dans cet endroit-là, sans avoir besoin forcément d'y mettre les pieds. Ce qui est très très très bien quand vous n'avez pas beaucoup de gens à disposition et que vous n'avez pas beaucoup de temps à passer sur le terrain, malheureusement. C'est un peu le problème de la recherche en ce moment. Et ils ont utilisé, encore une fois, un algorithme pour arriver à les aider à gérer ces 700 000 heures d'enregistrement, parce que ça fait quand même beaucoup, et qui ont permis donc de comprendre comment les oiseaux interagissaient avec les différentes conditions de la forêt, si c'était plus dense, moins dense, du coup quelles espèces ont retrouvé. Et si au contraire il y avait des changements, si l'homme était très présent dans la région ou s'il n'était pas présent du tout, est-ce que ça avait une influence du coup sur la position des espèces, etc. Donc il y a plein de facteurs qui étaient dans cette étude et qui finalement leur a permis de bien comprendre la dynamique de ces populations d'oiseaux. Donc voilà, c'est le fait d'utiliser l'acoustique, donc les chants d'oiseaux et les sons de la forêt en règle générale pour arriver à gérer ces écosystèmes qui finalement sont pas très simples à gérer de notre point de vue parce que c'est pas là où nous on habite habituellement, et ben c'est un moyen de connaître la bonne santé de ces écosystèmes sans avoir besoin forcément de se déplacer trop souvent, et donc de pouvoir faire une vérification à distance de ce qui s'y passe, et très très très facilité par l'utilisation de l'intelligence artificielle en plus par-dessus ça. Donc moi je trouve que pour la conservation, l'écologie en règle générale, c'est des méthodes qui ont beaucoup d'avenir finalement. Ah ben ça c'est une certitude. Tu parlais de forêt, est-ce que en revanche ça a de l'avenir dans d'autres, on va dire, environnements? Je pense notamment par exemple à une savane ou autre. Est-ce qu'il y a des endroits où l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de ce genre de méthode, pourrait peut-être être moins facilitée par l'environnement? Bah, tout simplement en ville, ça va être compliqué parce que tu vas avoir beaucoup de voitures et de bruits parasites en quelque sorte. Donc là, pour le coup, l'enregistrement va être compliqué à faire. Mais l'avantage de la ville, c'est qu'on est sur place, donc c'est plus simple pour nous d'aller voir ce qui s'y passe. La savane, c'est pas une bête idée. Le problème de faire ça en savane, c'est qu'il faut des endroits où poser tes micros. Et la savane, c'est un peu plat. Et on a des calaos, et ça, c'est problématique. Et on a des calaos, et on a plein d'autres bestioles qui sont un petit peu... c'est pareil pour des endroits qui sont... Parce que là, c'est des forêts qui sont plus tempérées, un peu chaudes pour certaines, voire un peu froides pour d'autres, mais bon, c'est pas non plus des conditions extrêmes. Mais j'imagine toutes les forêts très humides, par exemple des trucs qui subissent la mousson régulièrement. Je sais pas si le matériel que tu poses à l'extérieur est capable de résister très longtemps. Ah, ça... Ouais. Quoique les caméras, elles résistent quand même, non ? Pas pendant très longtemps. Au bout d'un moment, ça finit quand même par... ça finit par... Et puis, on avait parlé de rhinocéros il y a quelques épisodes où justement, ils avaient posé des caméras pendant 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 3. Mais c'est des rhinocéros en Afrique ou c'est des rhinocéros en Asie ? En Asie, on avait parlé du corbeau à bec fin. Oui, c'est vrai. Qui se glissait dans les oreilles des... Oui, des c'est vrai. Mais il y a certains types qui résistent, mais comme d'habitude, c'est certainement beaucoup plus coûteux, ce genre de choses. Moi, je sais, évidemment. Par exemple, quand on a dû mettre des choses sur des îles au large de la côte d'Afrique du Sud, entre le sel de la mer, évidemment, les vents marins, les conditions climatiques qui sont pas bien pratiques, hein, parce que l'humidité, et puis en même temps, le sel, ça assèche beaucoup et ça détruit beaucoup les équipements. Ce qu'on a pu mettre sur l'île était très limité au final. Il y a beaucoup de choses qui ne résistent pas. Ok. Bon. Après, ça dépend de ton équipement, mais évidemment, c'est le meilleur équipement est beaucoup plus cher. C'est pas forcément des fonds que tu as pour ta recherche. Donc bon, faut aussi jouer avec ça. Ou alors, faudrait équiper les micros sur les oiseaux. Est-ce que tu crois qu'ils seraient d'accord pour porter la perche même? Dans leur bec. Faudrait les former, hein. Je suis sûr qu'on pourrait faire des bons caméramans et des bons perchistes. Non mais on a des caméras qui sont parfois posées sur des oiseaux. Pourquoi pas des micros qui permettraient justement d'enregistrer ça. On pourrait, mais les caméras qui sont posées sur les oiseaux, c'est souvent des oiseaux qui sont utilisés pour la fauconnerie, c'est-à-dire que tu les enlèves après le vol. Ouais ouais. À long terme du coup. Certains programmes. Ouais absolument. Je suis en train de réfléchir. Mais il me semble qu'il y avait eu un truc du style, on enfonçait quelque chose dans le bec de l'oiseau. C'était un thermomètre, je crois. Absolument. Pareil, on avait discuté ça précédemment dans un épisode. Ah, une sonde ? Ah, peut-être une sonde. Pour la température ? Oui, c'était ça, c'était une sonde pour les albatros, pour voir s'ils mangeaient beaucoup lorsque le temps était perturbé. Oui, d'accord. Oui, ça, tu m'avais dit, voilà. Oui, effectivement. Voilà, mais ça, c'est juste une sonde, c'est pas pareil. Ouais. Et encore, il y a aussi une durée de vie là-dessus. Hein, c'est comme mes souvenirs sont bons. C'est solaire, mais l'appareillage en lui-même a quand même une durée de vie. Par exemple, on appelle ça des tags, mais en gros, ce que tu mets sur que ce soit des tortues marines, on en utilise pas mal nous pour les tortues marines pour certains projets de conservation, mais même pour les oiseaux, c'est pareil. Tu mets des petits récepteurs ou des petits émetteurs GPS ou autres qui vont te permettre de savoir où est localisée ta bestiole. Tu sais, après tu peux avoir une petite carte. Enfin bref, tu suis ton animal à la trace. Ces petits trucs-là ont aussi une durée de vie. Ça va durer 1 an, 2 ans, peut-être pas plus. Même si c'est avec un petit truc solaire derrière, ça tiendra pas très longtemps. On en avait mis sur des flamants. C'était des petits boîtiers. Tu sais, on appelle ça un sac à dos. Donc tu l'attaches, tu mets sur le dos, puis ça t'attache en dessous des ailes, notamment. Et normalement, il le défait pas facilement. Tu sais, pas trop serré pour pas qu'il ait des problèmes pour voler. Et il y a un petit capteur solaire sur le dessus, un mini panneau solaire, c'est très mignon comment c'est fait. Et du coup, c'est pas lourd du tout, hein, c'est niché au creux des plumes, hein, entre les deux ailes sur le dos. Et ça, pour les flamands, alors c'est des flamands nains, on en a équipé une vingtaine comme ça. Au bout de 6 mois, je crois qu'il en restait plus que 2 qui étaient encore en vie. Ah ouais. Donc ça dure pas très longtemps. Hein. C'est fou ça. Et ouais. C'est et pourtant, fou qu'il n'y ait pas plus de... Il y a de la recherche là-dedans. Oui, il y a toujours des choses qui sont développées régulièrement. Ah oui, évidemment. Mais c'est toujours un peu compliqué. Alors maintenant, on arrive à développer des trucs qui sont de plus en plus petits, qu'on peut mettre sur les oiseaux, de moins en moins lourds. Ça permet vraiment de ne pas trop les gêner. Mais c'est pas un appareillage qui est... Enfin, c'est pas forcément fait pour résister aux conditions climatiques vraiment très intenses. Donc bon, bah, tu sais, à chaque fois que tu mets de l'électronique à l'extérieur, c'est toujours un problème. Toujours compliqué. Mais je me dis, vraiment un micro, en plus, on a vraiment des tout petits maintenant, sur les oiseaux, il y a peut-être moyen d'apprendre des choses intéressantes. Hein. C'est, Sur les oiseaux eux-mêmes, je sais pas, parce que ça va peut-être être un peu... Mais dans leur environnement, dans leur entourage, oui, bah, comme ce qu'ils ont fait là, je suis d'accord. Parce que du coup, tu captes plusieurs espèces, donc c'est plus intéressant qu'une seule. Sur l'oiseau lui-même, ouais. Ouais, mais tu pourrais peut-être capter, tu vois, des chants que tu connais pas, ou des phrases que tu connais pas, ou ce genre de choses, tu vois. Sur des espèces que tu connais pas très bien, qui restent, qui sont dans des environnements très, très difficiles d'accès ou autres. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce genre de choses. Je sais pas, je ne fais qu'épiloguer. Et... Non mais pourquoi pas, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant, effectivement. Sophie, on a bien marché en forêt, alors allons nous reposer à l'hôtel Peabody, hôtel 4 étoiles, s'il vous plaît. Oh. Donc on est dans la ville de, Memphis, on est dans le Tennessee. Le Peabody Hotel, c'est un hôtel qui, dont la construction remonte à 1869. Mais en réalité, nous, on va pas s'intéresser au premier, on va s'intéresser au second qui a ouvert en 1925. Plus grand, plus récent, et puis, eh bien, dans les années 30, il s'est passé un truc bizarre. C'est nos deux, Frank Schut, directeur général du Peabody, et un ami, Chip Barwick, qui reviennent d'un week-end de chasse en Arkansas. Et il s'avère que les deux hommes, bon, ils ont un peu bu, beaucoup même. Et ils se disent... La chasse à la bouteille, ouais. Et ils se disent, mais attends, ce serait pas marrant de mettre nos canards dans la fontaine de notre hôtel. Et donc, ils mettent trois canards colverts dans, justement, la fontaine de l'hôtel. Et, à leur grande surprise, la réaction des gens qui étaient dans l'hôtel était, mais c'est trop bien. Mais ils étaient morts, ou ils étaient vivants, leurs canards? Non, ils étaient vivants. Ah bon? Ah d'accord. Oui, ils étaient vivants. Et donc en 1933 est lancée une tradition incroyable qui perdure encore aujourd'hui à cet hôtel précis, l'hôtel Peabody, de ces canards qui chaque jour vont rejoindre la fontaine du palace à l'entrée de celui-ci, vont barboter entre 11h et 5h avant de se retirer dans leur superbe suite. Rien que ça, royal. Attention. Mais ça ne rigole pas. Et tout ça, eh bien, c'est grâce à une personne dont c'est le métier, le Duck Master. Alors, le Duck Master, il est pas né en 1933, il est né en 1940. C'est un certain Edward Pembroke, un ancien dresseur d'animaux de cirque, qui a proposé d'aider à amener les canards à la fontaine. Et à partir de là, la tradition s'est poursuivie et Edward Pembroke est devenu le Duck Master, une fonction qu'il aura exercée 50 ans jusqu'à sa retraite en 1991. L'homme est décédé en 1994. Incroyable. Ouais, hein. Alors, il y en a eu d'autres, hein, des Duck Masters. Aujourd'hui, c'est Cannon Walker, le Duck Master en chef depuis 2020. Il était d'abord concierge VIP en 2018 et puis on lui a proposé de prendre le rôle extraordinaire de Duck Master en 2020. Alors, quel est grosso modo son rôle? Bah, son rôle, c'est d'aller réveiller les canards. Donc, à 9h30, Il rentre dans la pièce où sont les canards. Quatre femelles et un mâle, c'est toujours comme ça. Alors, au départ, il y en avait trois, maintenant il y en a cinq. J'ai pas réussi à trouver le pourquoi on en avait deux de plus. Puisque visiblement, dans les années 90, il y en avait encore trois. Donc, je ne sais pas pourquoi ils en ont rajouté deux de plus. Je sais pas, la reproduction, des fois, tu sais, il y a des trucs qui se passent. Bah, pas vraiment, parce que les canards, en fait, ils tournent. Ils tournent tous les trois mois. Ce sont des nouveaux canards qui viennent au palace, tandis que les anciens, eux, se retirent dans une ferme du Tennessee, voilà, vie sauvage, tranquille, ouais, c'est la belle vie. Donc 9h30, monsieur le Duckmaster arrive pour nettoyer le lieu où sont les canards. Magnifique chambre avec d'ailleurs une reproduction de l'hôtel Peabody avec une petite fontaine aussi située près de la sortie. Et ben. Il leur donne à manger de la laitue romaine et uniquement de la laitue romaine. Voilà. Okay. Alors on donne des graines aussi un petit peu plus tard, mais en tout cas le premier repas c'est de la laitue romaine. Une fois ceci fait, à 11h, les canards descendent et là, on leur déroule le tapis rouge, au sens propre du terme, parce que les oiseaux arrivent sur un tapis rouge et suivent en fait le Duckmaster via un espèce de petit escalier avec des petites marches. Et les oiseaux doivent monter ces escaliers pour aller dans la fontaine. Et à partir de là, le travail du Duckmaster, on va dire une partie de son travail, est terminé. Sauf que des fois, les canards sont un peu récalcitrants. Donc, qu'est-ce que fait le Duckmaster? Il avance, il recule sur l'escalier jusqu'à temps que les canards comprennent qu'il faut le suivre. Ah, oui, oui. Et à partir de là, une fois que les canards sont dans la fontaine, eh bien, on va dire que le rituel matinal, qui se joue d'ailleurs devant une centaine de personnes. D'ailleurs, le Duckmaster a... Ah ouais, non, mais c'est rituel, hein. Le Duckmaster a parfois d'ailleurs, un membre honoraire. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être une personne âgée. Il y a eu, par exemple, des héros de guerre qui ont été aussi parmi ces fameuses personnes honoraires. On a des célébrités qui viennent de temps en temps. On a eu Oprah Winfrey, Patrick Swayze, par exemple, Florence Henderson, qui ont fait partie justement de ces gens qui ont aidé le Duckmaster à faire son travail. Voilà. Et à partir de là, une fois que les canards sont installés à leur fontaine, eh bien commence un nouveau rôle pour le Duckmaster parce qu'il ne s'occupe pas uniquement que des canards. Il répond à des mails, voilà, il fait un peu toute la promo autour de l'hôtel. Mais il est aussi le gardien de l'histoire de l'hôtel. Et c'est lui qui va raconter l'histoire de l'hôtel, son évolution et évidemment cette fameuse histoire de canards qui perdure depuis 1933. Incroyable, hein ? Donc voilà. Impressionnant. Memphis avec donc l'hôtel Peabody. Si jamais vous avez l'occasion de vous rendre dans cet hôtel 4 étoiles, déjà bon courage parce que ça coûte cher, mais vous aurez l'occasion d'assister à, on va dire, un très très très ancien rituel qui a été un petit peu ressuscité dans les années 80, dernière anecdote, parce qu'il y a un restaurant français, voilà, qui s'appelle Chez Philippe, voilà. Et bien, il faut savoir que... Du magret de canard. Eh ben justement, avant oui. Et c'est ceux qu'on a vu le matin, on peut choisir du coup sur pied. Non, à partir de 1981 et la réouverture de l'hôtel parce qu'il y a eu une période d'incertitude qui a duré je crois une dizaine d'années. À partir de la réouverture de l'hôtel, il n'était plus possible de commander du canard. Ah, on se demande pourquoi. C'est incroyable. Voilà. Ce qui fait, selon certains articles, le seul restaurant français américain à ne pas offrir de canard dans son menu. Alors ça, c'est une phrase, à mon avis, totalement inventée, mais j'ai trouvé que c'était très drôle. Oui, c'est très drôle, effectivement. Voilà pour ces canards. Voilà, incroyable. Si tu me poses la question, est-ce qu'ils ont un nom ? Non, ils n'en ont pas. Bah, les trois premiers, les en revanche... Ouais, c'est ça. Mais les trois premiers avaient un nom. Ouais. Et ils s'appelaient du nom, en fait, des hôtels qui étaient possédés par le monsieur dont on a cité le nom tout à l'heure, Frank Schutt. C'était Peabody, bien sûr, Gayoso et Chiska. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'était la Memphis Hotel Company qui détenait ces différents hôtels. Et donc c'est comme ça qu'ont été nommés les trois premiers canards. Et à 17h, tout le monde rentre au dortoir et on est ça le lendemain. Et bon. Non mais c'est voilà, top, voilà. Ça. Eh oui, c'est incroyable. Hein, de voir que ces canards qui au départ devaient être mangés hein, je pense hein, parce que bah s'ils les avaient chassés. C'était des oiseaux effectivement qui enfin ils revenaient d'un week-end de chasse et je pense effectivement que c'était des oiseaux qui étaient peut-être peut-être prévus pour passer sous la casserole mais finalement eh bien le monde en a décidé autrement, le monde étant évidemment les gens de l'hôtel. Eh ben écoute, c'est une super histoire, je trouve ça très très sympa. Ça fait des petites c'est des petites anecdotes comme ça qui rendent la chose un peu plus marrante. Très très chouette. Bravo. Ah ben bravo. Ça, moi, ça fait penser, je sais pas, pendant tout ton truc, j'avais la chanson Je collectionne des canards dans la tête. Ah bon? C'est qui ça? Ah, je sais plus. Je collectionne des canards vivants. Tu sais, je sais plus. Ah bah, c'est bien, c'est bien de les collectionner vivants. C'est mieux de les collectionner vivants. C'est super connu. De qui c'est déjà? Je sais plus. Enfin, je l'avais en tête du coup. Ultra Vomite. D'accord. Ok. Oui, je ça doit être eux, effectivement. Absolument pas. Mm-hmm. Okay. C'est marrant. Eh ben écoutez, recommandation d'hôtel et recommandation musicale, et c'est comme ça qu'on termine l'épisode. C'était un épisode musical, on vous l'a dit au début. Ah, c'était un épisode musical. Mais moi, je pense que j'ai trouvé le titre de l'épisode. Après, ça se trouve, je vais le changer, mais je pense que j'ai trouvé. La Starac chez les toujours oiseaux, un peu ça marche. Toujours la galère, toujours la galère de trouver un nom mm-hmm. pour les épisodes. Des fois, je rame un peu. Voilà, c'est... Ah. Merci beaucoup Sophie pour cet épisode, pour nous avoir parlé de forêt. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écouté, chanté, raconté nos anecdotes, un petit peu hésité. On vous incite à vous rendre sur les différentes plateformes de streaming pour aller écouter nos précédentes élucubrations si jamais elles vous intéressent. On a aussi une chaîne YouTube si jamais vous voulez également voir les épisodes, mais surtout les sous-titres des épisodes. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.